Puis l'homme viendra en contact avec des civilisations sur la Terre, éthériquement sur la Terre, qui existent déjà. Puis l'homme fait des choses très intéressantes, mais faut qu'il se sorte de la petitesse de son esprit, parce que notre esprit est réellement petit.